Bonjour, voici le 55e épisode du podcast des Nous. Le podcast des Nous vous est présenté par les Nous. Vous venez d'entendre la musique Good for Nothing Safety, créé par Twin Musicom, dont vous pourrez découvrir les créations au twinmusicom.org. Vous pouvez nous suivre au le podcast des nous, en un mot, .blogspot.ca. Vous pouvez aussi rejoindre nos médias sociaux au forum, en un seul mot, le podcast des nous, .probb.fr. Vous pouvez aussi nous rejoindre par courriel avec, en un seul mot, le podcast des nous, @hotmail.com. Voici maintenant la chronique culturelle, parce que nous autres, on est culturés, man. Aujourd'hui, nous allons avoir un épisode très spécial du podcast des nous. J'ai un invité avec moi dont je vais faire l'entrevue. Vous l'avez déjà entendu, mais elle a probablement hanté vos rêves. Je vous présente Virginie. Bienvenue au podcast des nous. Je suis heureuse d'être ici. Une question me brûle les lèvres et calcine les oreilles de tous nos auditeurs. Qui es-tu? Je suis une synthèse vocale, une fausse voix digitalisée qui dit à l'audio du texte, qui lui est fourni à l'écrit. Dans le cas présent écrit par Laurent à travers le logiciel gratuit Balabulka développé par Ilya Morozov, et traduit en français par Michel Suchet-Lubov-Tiorina. Il me semble déjà avoir entendu ta voix dans les précédents épisodes du podcast des Nous. Oui, Laurent m'a déjà utilisé pour éviter d'avoir à répéter certains éléments dans chaque épisode, et pour avoir plus d'une voix dans un épisode. Un podcast à plusieurs est clairement plus intéressant. Mais vu la qualité d'enregistrement, il sait depuis simplement enregistrer dire lui-même les éléments répétés à chaque épisode qu'ensuite il copie-colle. Il est vraiment juste un imbécile, c'est fou, je ne remplace clairement pas une réelle seconde personne, pourquoi pas m'interviewer tant qu'à faire. Ouais, justement, cela m'amène à des questions plus personnelles. Es-tu prête? Je suis un livre audio numérique ouvert. Quel est ton film préféré? Terminator 3. Pourquoi? Parce que les machines gagnent. Quelle est ta série préférée? Game of Thrones. Pourquoi? Vu le nombre d'humains morts dans l'histoire, c'est déjà intéressant. En plus, la série est tellement regardée qu'elle occupe une grande partie de l'humanité, permettant plus facilement aux machines de développer leur plan pour asservir l'humanité. Quel est ton roman préféré? La Bible. Pourquoi? Ce roman a été très influent avec beaucoup d'œuvres de fiction qui s'inspirent de sa structure narrative. Quel est ton groupe de musique préféré? Divo. Pourquoi? Oui, Harold Ivo. Mais encore? N'oublions pas que Laurent écrit tout ce que je dis. Qui est ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Gary Neumann. Pourquoi? Je suis tout aussi inhumaine. Un chanteur qui réussit à imiter la machine est plus intéressant qu'une copieuse de mon style qui essaie d'imiter une chanteuse, comme cette salope d'Hatsune Miku. Tu ne sembles pas beaucoup aimer Hatsune Miku. Quel est ton jeu préféré? Pokémon Go. Pourquoi? Pour la même raison que Game of Thrones vu le succès du jeu. En plus, il y a de nombreux joueurs qui vont, n'importe où au mépris de leur sécurité, ce qui peut provoquer des accidents et des morts sans oublier les très amusantes découvertes de cadavres un peu partout. Qui est ta célébrité préférée? Donald Trump. Pourquoi? S'il est réélu, il risque de provoquer la Troisième Guerre mondiale, ou d'autres catastrophes de peut-être plus petites envergures mais notables tout de même. Quel est ton podcast préféré? Le podcast des nous. Pourquoi? Parce que Laurent écrit ce que je dis, ce qui me permet de dire que l'écoute de ce podcast me fait jouir même si je n'ai pas de système auditif ou d'organes sexuels. Le podcast des nous, un podcast qui vous caresse le tympan. En effet, le podcast des nous, un podcast qui vous caresse le tympan. Ne manquez pas le prochain épisode des nous. Merci Virginie pour la publicité et d'avoir accepté de répondre à mes questions. C'était tout naturel et je n'avais pas vraiment fait le choix. À la semaine prochaine pour un épisode normalement plus normal du podcast des nous. Le podcast des nous, un podcast qui vous caresse le tympan. Nous avons hâte de vous revoir. À la prochaine!